بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، عودة إلى ما كنا فيه في هذه المحاضرة للشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى، وهي الأصول الشرعية في التعامل مع الناس، للتعامل مع الناس، وهذا مجلسنا السادس في هذه المحاضرة إن شاء الله. كنا revenons au sujet auquel nous avons commencé. Tourne autour de les fondements législatifs au niveau du comportement à voir avec les différentes catégories de personnes. C'est une conférence de Cheikh Salah Al-Sheikh. Nous sommes à la sixième assise dans cette conférence. On a le ta'amul ma'al kuffar fi al-faqrat al-akhirah fihi yaqulu hafidhahullah as-sinf al-thani min al-kuffar an yakuna dhalika al-kafir mimman yadhhar minhu bughd lil-islam aw istihza' bi arkan al-islam واستهزاء ببعض مبادئ الدين أو نشر لأشياء مما يخالف ما جاء من أجله. قول الدي، c'est toujours les mécréants qui vivent qu'on ramène avec qu'on traverse le pays de l'islam. Il y est concernant, il y a une deuxième catégorie de mécréants qui a eu des contrats pour venir travailler dans le pays de l'islam et notamment en Arabie Saoudite. Il dit si cette personne montre comme quoi il déteste l'islam, il se moque des piliers de l'islam, il se moque de certains principes de la religion, ou il propage des choses qui sont en contradiction avec le but pour lequel il a été ramené. يقول فهذا لا يجوز أن يعامل بالبر وإنما يعامل بالعدل يعني أن يعطى حقه ويجب في حقه أن يبلغ عنه وينسعى في أمره حتى يترك هذه الأرض لأنه لم يستقدم على هذا وإنما استقدم بشروط. Il dit حفظه الله تعالى celui-là n'est pas permis d'être trop bon avec, mais il faut être juste avec, s'acquitter de son droit vis-à-vis de lui, et il faut transmettre sa situation aux autorités, à ceux qui ont à l'autorité de tutelle, pour qu'ils s'en occupent, pour qu'ils le fassent quitter le pays, parce qu'il n'a pas été amené pour ça. Il est rentré dans le pays pour des conditions et respecter la religion et les gens du pays, etc. Donc dans ces cas-là, si il y a une faille, il ne remplit pas ces conditions, tu n'as pas à le toucher. Tu vas voir la tutelle de droit. L'autorité de droit, c'est elle qui doit s'en occuper. Tu leur transmets et eux, ils vont faire leur œuvre, ce qu'ils doivent faire. Et souvent, ils les font expulser. وإذا ظهر غير ما يجب من إعزاز الإسلام وظهر شيئا من النقد في الإسلام والمسلمين أو فعل بعض الأفعال التي لا يجوز له فعلها في دار الإسلام فإنه يجب عليك أن تقوم بما يجب في هذا وأن تبلغ عنه وأن لا يترك في هذه الدار فهو مستأمن لا يجوز إيذاؤه لا يجوز مضايقته لكن يجب أن يسعى في أمره وأن يقاطع ونبين أمره حتى لا يعود إلى مثل ذلك وحتى تسلم البلاد من شره. Et ici maintenant qu'il fait quelque chose, critique l'islam, montre sa haine vers l'islam et vers les musulmans et il les critique, il fait certains actes qu'il n'a pas le droit de faire en terre musulmane, c'est ton devoir, il dit Hafidhahullah Ta'ala, il faut que tu transmettes sa situation aux autorités pour qu'il ne laisse pas, il ne le laisse pas dans ce pays. Parce qu'il est rentré avec des conditions et il est rentré sous la tutelle de ce gouverneur ou sous la tutelle de personne. Donc tu n'as pas à lui faire du mal ni à le toucher. Mais ton devoir, c'est d'accourir vers les autorités. De leur dire, voilà, tu leur montres sa situation et au moins ils vont faire le nécessaire. Et ils vont certainement l'expulser pour que le pays soit épargné de son mal et de ses fausses idées. يقول الشيخ المقصود من هذا وهم هذه الفئة التي ظهر منهم شيء من البغض وانفلتات اللسان أو الأعمال أو شيء من الكيد للإسلام لأهله فهؤلاء يجب أن يعاملوا بالحزم ويعاملوا بالقسوة حتى لا يظهر ضعف الإسلام والمسلمين عندهم ويسعى في أمرهم حتى يتركوا هذه الدار. Il dit le but pour cette catégorie là, qui dénigre l'islam, qui critique une fois qu'il est là-bas, qui ne respecte pas les conditions pour lesquelles il a été amené, qui le fait de respecter l'islam et les musulmans dans leur terre, celui-là est, hein, il faut être ferme au niveau du comportement avec, pour qu'ils sachent que les musulmans ne sont pas faibles, qu'ils ont un honneur. Et on accourt vers les autorités pour qu'ils puissent le faire quitter le pays et qu'ils ne fassent pas du mal. Hein. Anne, venons à la situation qui nous concerne nous maintenant. Comment nous devons nous comporter maintenant en tant que minorité musulmane dans ce pays? Est-ce qu'on se comporte dans ce pays en étant dans un pays de butin, comme disent les djihadistes, les faux, les prétendus djihadistes? Où nous devons nous acquitter de nos droits. On est rentré comment dans ce pays? Avec un pacte et avec des contrats. Si toi, tu n'as pas signé tes contrats, ton gouverneur de tutelle les a signés. Et si on sait à la base que tu vas venir détruire et piller et voler, tu ne serais pas rentré. Ou là, les premiers qui sont venus avec toi, avant toi, qui sont à l'origine de ta venue ici, ils ne seraient pas rentrés ici. Donc nous aussi, nous avons des droits duquel nous devons nous acquitter ici, à ne pas prendre le pays comme butin. Hein? Parce que c'est des gens qui nous ont donné aussi une ligne de conduite et des conditions pour rentrer chez eux. Hein? Et donc nous devons nous acquitter de notre devoir. Et pas comme certains, ils le crient sur les rooms d'Internet, si les pays de l'islam sont attaqués de partout. Nos frères musulmans se font tuer à droite et à gauche. Et là, on est dans ces pays de mécréance. Il faut, ces pays deviennent un butin pour nous. Parce qu'ils sont les alliés de ceux qui tuent nos frères à travers la planète. Donc, il faut piller. Et il dit comme ça, il dit, je ne vous demande pas de voler un paquet de biscuits à Carrefour, mais d'aller faire un BRICS ou une banque et d'envoyer l'argent aux moujahidines là où ils sont. Ainsi, frère en Allah. Est-ce que ça, c'est une dawa digne de quelqu'un qui est sur la voie de ce puiseur? Est-ce que c'est une dawa digne de l'authenticité de l'islam? Est-ce qu'un compagnon du prophète alayhi a fait ceci quand il s'est retrouvé dans un pays qui n'était pas musulman? Est-ce que l'un des successeurs des compagnons de Mohammed alayhi ont fait de même? Est-ce que les imams de la communauté, les hommes de science de la communauté ont fait de même, ont fait ce genre d'appel? C'est pour ça, frère Allah, blinde de toi avec la science, maîtrise les règles de la législation. Pourquoi tu ne tombes pas dans les filets comme ça? Shaitan, il vient et t'embellit les situations. Fais très attention à ça. Et après, tu vas devenir, peut-être tu deviendras une chair à canon quelque part, comme il est arrivé à beaucoup d'innocents en Irak ou en Syrie ou autre, où certains se sont retrouvés en prison parce que tout simplement ils ont trouvé, hein, des perturbateurs comme ceux-là, qui leur ont miroité le paradis, et comme quoi entre eux et le paradis, c'est juste une petite ceinture, et de franchir la frontière syrienne vers l'Irak, etc. Et c'est bon. Certains se sont retrouvés à la fleur de leur âge. 20 ans, 25 ans comme chair à canon. Pour rien du tout, Mskine. Il ne sait même pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas été blindé avec les règles de la législation. Il a écouté n'importe qui. Et voilà où ça l'a amené. Faut faire très attention Et surtout ce qui concerne le jihad, l'obéissance au gouverneur, etc. Ah, ça ne se prend pas à Internet. Ne prenez chez les hommes de science dignes du nom. Hein? Pas chez les terroristes de groupe. Pas chez les penseurs des différents groupes, etc. Et pas chez n'importe qui ici qui monte sur un barbare, ça y est, on prend de lui ce genre de. L'air à l'islam. De choses, on se prend, c'est les hommes de science dignes du nom, surtout à une époque qui est notre époque, qui est une époque d'ambiguïté. Les ambiguïtés, il y en a, c'est un déluge d'ambiguïté, ténèbres sur ténèbres. Il faut faire très attention à ça, frère, en Allah Azza wa Jal. N'ouvre pas tes oreilles à n'importe quoi. N'ouvre pas ton cœur à n'importe quoi et à n'importe qui. Il en va de ta religion. Il en va de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans le delà. Et fais très attention. Enfin, la voix de tes puzzles, elle est claire. Elle est claire. Si tu la cherches, tu vas la trouver. Et tu vas être dans une quiétude. Une fois que tu es dedans, que tu mords dessus, tu vas être dans une quiétude. Là où que tu sois. Peu importe où que tu sois, tu vas être dans la quiétude. Dans ce que tu fais. Et dans ce que tu délaisses. Et dans ce que tu vas même subir, tu vas être dans la quiétude. C'est pour ça qu'il faut que tu t'acharnes à apprendre les fondements de la voie de tes puiseurs d'Allah alayhi. Et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te raffermit sur cette voie-là. Et combien de fois on demande à Allah azza wa jal dans notre journée d'être sur cette voie-là? Combien de fois? Allah subhanahu wa ta'ala fait un dua obligatoire dans la prière. Et si on ne le fait pas, notre prière est une non avenante. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ce que tu as accompli de tes bienfaits. Dis-nous le salat al-mustaqim. Salat al-ladina an'amta alayhim. Rukn, pilier de la prière. Et la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala accompli de ses bienfaits, c'est la voie de la science. C'est la voie des compagnons. C'est la voie de ceux qui les suivent à la perfection. Et c'est celle-là qu'il faut chercher. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvé par le fait de chercher cette voie-là et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que nous mordons avec nos molaires sur cette voie-là, qu'il nous raffermit sur cette voie-là et qu'on meure sur cette voie-là, Inch'Allah. Il faut la chercher. Et ce n'est pas une voie, c'est une voie de science bénéfique. Et une voie qui est basée sur la parole d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallam, avec la compréhension et selon la voie de le plus élevé d'Allah alayhi, qui sont les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et il est clair, il est facile pour celui qui la veut. Mais celui qui veut les virages, et qui veut esquiver, et qui veut les feintes, et qui veut philosopher, mais on est dans un autre monde, etc., ben celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà les questions-là, c'est un voile contre le fait d'accepter la vérité. Déjà, commencer à s'opposer, mais les temps ont changé. Subhanallah al-Azim. Si nous qui nous savons, c'est Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le crayon. Hein? 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, il lui a dit, écris ce qu'il va être et ce qu'il en sera jusqu'à la fin des temps. Donc qui sait? Qui sait réellement ce qui est bon pour les gens ou ce qui ne l'est pas? Nous ou Allah? Donc c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut de nous qu'on prenne ce chemin. Il nous l'a montré. Il a envoyé un messager alayhi sallatu salam, qui est Muhammad alayhi sallatu salam, qui nous a éclairé comme il se doit sur cette voie. Et ses compagnons radhiyallahu anhum nous ont éclairé et ont transmis cette voie là comme il se doit, radhiyallahu anhum. Donc Allah Azza wa Jal, il ne faut pas se tromper de chemin. Il ne faut pas se faire avoir. Et combien de certains parmi nous étaient dans des voies égarées, Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés à revenir à la voie de leur puiseur d'Allah. Enfin, il ne faut pas encore une fois se faire avoir par des beaux parleurs et qui vont te détourner de la voie de tes puiseurs et te faire sortir de là où tu ne le penses pas. Faire très attention. Et quoi le Cheikh Hafidhahullah Aslun Akha تعامل المرء مع ولات الامر. C'est un dernier fondement qu'il a traité Hafidhahullah Ta'ala dans cette conférence. Il a dit comment se comporter avec nos gouverneurs. Allah Azza wa Jal aujaba لولات الامر في الاوساء في الاسلام اوجب لهم حقا اوجب لهم الطاعه عز وجل. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: قيد الله عز وجل طاعة ولاة الأمر بما فيه طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يكرر فعل الطاعة لولاة الأمر، لأن ولاة الأمر يطاعون في غير معصية، يطاعون في المعروف، يطاعون فيما ليس فيه معصية لله جل وعلا. أن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى في obligatoire le fait d'obéir au gouverneur des pays de l'islam. Il est obligatoire pour nous de leur obéir. Allah subhanahu wa ta'ala fait cette obligation. Il s'adresse aux croyants dans le verset, il leur dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et à ceux qui ont les rênes, et ici ceux qui ont les rênes, ou le amr, sont deux catégories de personnes: les hommes de science et les gouverneurs. Les hommes de science, ils détaillent, ils éclairent sur la législation. Et les gouverneurs la mettent en application. Hein? Ils l'imposent aux gens. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres hommes de science ont dit: Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'obéissance, a conditionné l'obéissance au gouverneur et aux hommes de science, c'est qu'ils soient dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance à son messager. Le fait d'obéir à un gouverneur musulman, hein, et le fait d'obéir à un homme de science, on lui obéit dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance à son messager, alayhi salam. On lui obéit pas dans la désobéissance à Allah, loin de là, hein. Et regarde pourquoi les hommes de science ont dit obéissance à Allah, l'obéissance du gouverneur est conditionnée par le fait qu'il doit suivre l'obéissance à Allah, il doit être dans l'obéissance à Allah et de son messager. Parce que dans le verset, il a dit: « Ou vous qui avez cru », il a employé un verbe à l'impératif, un ordre. « Obéissez à Allah et obéissez au prophète ». Il a répété le verbe pour le prophète, mais en ce qui concerne les hommes de science et le gouverneur, il ne l'a pas répété. D'où tiennent les hommes de science que l'obéissance aux hommes de science et aux gouverneurs, il est conditionné par le fait qu'ils soient dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et dans l'obéissance à son messager alayhi salam, et non pas dans la désobéissance à Allah et dans la désobéissance de son messager alayhi salam. Wa haqqu ulati al-amr 'azim. Haqqu ulati al-amr 'azim jiddan. Ulati amr al-muslimin haqquhum 'azim jiddan. Kama qala عبد الله بن المبارك رحمه الله: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، وهذا ظاهر لمن تأمله. الله عز وجل le droit des gouverneurs en islam et le droit des gouverneurs des pays de l'islam est quelque chose d'énorme dans cette religion. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى il disait: s'il n'y avait pas le gouverneur, les routes, il n'y aurait pas de sécurité dans les rues et sur les routes. Et les plus forts vont manger les grands. Et celui qui médite cette situation, il la voit. Vous n'avez pas besoin de dessin. Vous faites revenir le film en arrière et votre mémoire, hein, votre mémoire en arrière. Regardez quand on est sorti contre le gouverneur algérien, qu'est-ce qui est arrivé. Plus de 20 ans où les gens se font égorger comme des moutons, où les innocents se font tuer et assassiner. Et ce qui est arrivé à Hama, en Syrie, avant, ce qui est arrivé en Égypte, et un petit peu partout. Chaque fois qu'on désobéit au gouverneur, chaque fois qu'on prend les armes contre les gouverneurs, c'est l'abattoir des innocents. C'est la boucherie totale. C'est pour ça que plus d'un imam, et alors Tachir l'Islam, le Taymiyyah disait, hein, 1000 ans, sous la tutelle d'un gouverneur tyran, vaut mieux qu'il nuise son gouverneur. Une nuit sans gouverneur, c'est la cata totale dans le pays. L'insécurité, le pillage, le vol, le fait de brûler tout. Rahmukallah. Hein? Regarde rien, c'est simple. Cette parole de Salaf Abdullah Alim a vu qu'ils sont réels. A vécu une réalité très proche de nous. Quand on a déstabilisé le pouvoir de Saddam Hussein, qu'est-ce qui est arrivé? La cata totale dans le pays. Et les musulmans auparavant qui se plaignaient du pouvoir de Saddam Hussein demandaient que Saddam Hussein revienne au pouvoir. Hein? En Somalie auparavant, il y avait un gouverneur qui, les gens le considéraient comme tyran. Et quand ils se sont renversés contre lui, il y a eu la pagaille, le sang partout. Et les gens demandaient que ce gouverneur se revienne. C'était mieux que les gens se fassent égorger n'importe où. Que la personne n'a même pas la possibilité d'aller chercher sa subsistance. Il sort, il ne sait pas s'il va revenir. Comme ce qui est arrivé en Algérie, etc. Il ne faut pas croire que la parole du puisé, c'est une parole en vain comme ça. Parce qu'ils connaissent la réalité comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala, plus de la science qu'il leur a donnée, et plus la compréhension qu'il leur a donnée du livre d'Allah et de l'authentique de la Sunna, et plus la voie sur laquelle ils étaient, qui est la voie des compagnons de Mohammed alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné autre chose. Hein? Qui les aide. Hein? Et leurs paroles sont des paroles qui vont de pair avec la parole d'Allah et l'authentique de la Sunna de Mohammed alayhi salam. Et celui qui les médite, hein, il comprend tout de suite. Fa يقول حفظه الله فحق ولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف وما إذا أمر العبد بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لأن حق الله أعظم ولأن حق الله مقدم على كل حق كان الوالد أو الوالدة أو العالم أو الحاكم فحق الله مقدم على حق أي أحد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم il dit حفظه الله تعالى le droit des gouverneurs c'est que tu entendes et que tu obéisses il dit quand le serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre de désobéir à Allah il n'oublie pas. Parce que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus important. Il est prioritaire par rapport aux droits des humains. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le fait que il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah azza wa jalla. Regardez encore une fois comment l'un de nos plus aïeuls contemporains, une éminence de science, l'homme du hadith du siècle par excellence, Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala, comment un jeune à l'époque où c'est chaud en Algérie, hein, vers le début, où ça a éclaté en Algérie, il appelle Cheikh, et à Cheikh, il nous oblige de raser la barbe, etc. Cheikh, il lui dit, tu ne la rases pas, tu ne le oublies pas, mais laisse-les que eux te prennent, te mettent sur une chaise et te la rasent. Après, tu la laisses pousser, et la prochaine fois, ils te prennent encore et te mettent sur la chaise. Huma, ils prennent le péché, toi, tu ne le fais pas. On n'oublie pas, hein, à une personne dont la désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Où il veut, tu te laisses faire. Le gouverneur te prend et te laisse faire. Tu vas, il t'assoit sur la chaise, il te rase, il prend le péché. Mais toi, tu ne le fais pas. Toi, tu ne le fais pas. Il y a l'époque où c'était chaud en Algérie. Comment lui a regardé cette clairvoyance, hein, et cette solution et ce verdict qu'il a donné Cheikh Nasser rahimahullah ta'ala à ce jeune qui l'a appelé. يقول حفظه الله والتعامل مع ولاة الأمور يكون بأن يكون المرء معهم ساعيا لما فيه صلاح الجماعة ساعيا لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين معهم لأن طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم إظهار بغضهم أو عدم إظهار الشناعة عليهم هذا فيه مصالح عظيمة للإسلام والمسلمين كما بين ذلك أهل العلم إلي حفظ الله تعالى le fait d'avoir un bon comportement avec les gouverneurs c'est que tu accours vers le fait et tu œuvres dans le sens où les actes que tu vas faire, ils vont en découler le bien de la communauté et du groupe. Tu accours vers les bonnes réformes qui vont faire, qui vont être un bien pour les musulmans. Hein? Le fait d'obéir à son gouverneur, tu œuvres dans ce sens-là. Parce que le fait d'obéir à tes gouverneurs, le fait de ne pas se révolter contre eux, et le fait de ne pas montrer aux gens que tu les détestes, et le fait que tu ne les dénigres pas devant les populations, il y a un grand intérêt pour la communauté, pour l'islam et pour les musulmans, comme l'ont montré les hommes de science. Regardez maintenant. Dans les années 70 et les années 80, beaucoup parmi les Maghrébins aimaient beaucoup écouter Cheikh Qishk Rahimahullah. Cheikh Qishk Rahimahullah, il avait un style où il dénigrait tous les gouverneurs. Quand tu écoutes ses cassettes, tu as la haine au cœur contre tous les gouverneurs. Et subhanallah, ça fait la même chose. Tu te retrouves dans une mosquée où l'imam monte sur le minbar le jour du vendredi, commence à dénigrer les gouverneurs de l'islam et les hommes de science, tu sors avec plein de haine dans ton cœur. Tu as envie d'exploser tout le monde. Mais un grand mal dans le fait de parler des défauts, si défauts il y a, devant tout le monde. Ça fait hériter la haine dans le cœur de la population. Et au premier moindre petit problème, les gens ils explosent. Mais qui est la cause? Celui, parce que rien ne commence comme ça. Dis-toi bien qu'un poseur de bombes, une révolte contre un gouverneur, n'est pas venu comme ça. Il est venu avec plusieurs mots. Peut-être des années et des années de paroles sur le manaber et dans les cours. Des années où on excite les gens. On instaure la haine dans leur cœur. Dans le cours d'Yal Fiqh, qui concernait leur apprendre comment faire l'eau d'eau, tout de suite le mec, il est dans le chapitre des eaux. Et tout de suite, il la tourne. Il dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comme quoi il ne faut pas gaspiller l'eau. Regardez-les. Regardez comment ils gaspillent l'eau en arrosant les terrains de golf. Regardez comment ils gaspillent l'eau en remplissant les piscines de leur villa. Regardez. Et quand la personne, il est venu pour apprendre l'eau d'eau, tout d'un coup il est sorti avec le cœur serré. Il passe derrière les murailles d'une villa d'un riche ou quoi que ce soit, qui peut être un soumis à Allah, qui peut être quelqu'un qui dépense sur le sentier d'Allah, ou là qui construit des mosquées, ou là. Et la première chose qu'il a envie de faire, c'est de brûler ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour apprendre comment faire l'eau d'eau, et tout d'un coup il a rempli de haine. Et ça, tu vois une pierre, forte qu'il soit, et grosse, une roc, sous un endroit où l'eau coule de très haut, tu vois qu'à la place, goutte après goutte, cette pierre qui est un roc solide, la goutte d'eau arrive à percer et à faire sa place. Qu'est-ce qu'il en est de ce pauvre petit morceau de chair que nous avons qui est notre cœur? Quand aujourd'hui, et surtout quand on n'a pas de science, aujourd'hui, demain, on l'attaque. Qu'est-ce qui va y arriver? On l'attaque avec des choses qui le remplissent de haine contre ces hommes de science, contre ces gouverneurs, etc. Comment il va être à la fin? Certains frères me racontent des fois, ils disent, nous avons des prêcheurs, hein, qui prêchent la haine contre les gouverneurs, contre les hommes de science. Ils disent des fois, j'arrive de chez moi, je suis tellement content, j'ai passé une belle matinée avec mes enfants, etc. La semaine s'est bien terminée au travail, j'arrive pas à prendre le jumu'a, et tout d'un coup je reviens renversé. Pourquoi il revient renversé? Du mal qu'il a entendu de ce truc. Au lieu qu'on lui apprenne, qu'on l'oriente vers le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a rempli son cœur de haine contre l'élite de la communauté qui sont les hommes de science. Hein? Et on a rempli son cœur de haine vis-à-vis de ses gouverneurs, des gouverneurs des pays de l'islam. Et ceux qui le font, subhanallah, ils vivent dans les pays de mécréance. Qui est mieux? Avec le gouverneur qui vit dans ce pays de l'islam, Ou là, toi qui vis dans le pays de mes créances. Hein? Et des fois, tu le vois, il prêche contre les gouverneurs des pays de l'islam, et il prêche contre les hommes de science, il prend le RMI, ICADA, et des fois, il signe des trucs faux. Il prend de l'association de la mosquée, il prend aussi de la CAF, de là où ça bouge, il prend. Hein? Et c'est ainsi. C'est une réalité à l'islam. Qu'est-ce que tu veux? Il est des choses dans lesquelles se trouve notre communauté maintenant qui sont tristes. Hein? Et qui font pleurer. Hein? Ils disent pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on est écrasé par les ennemis d'Allah? C'est simple. Pour sortir de l'écrasement des ennemis d'Allah, il faut que tu reviennes et que tu te soumettes à Allah comme il le veut, Allah. Non pas comme toi tu veux. Non toi comme tes principes et les principes de ton groupe tu le dictes, mais comme le veut Allah et comme le veut le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas suivant tes passions, suivant tes désirs, suivant les principes fondamentaux de ton idéologie, de ton groupe. L'islam. يقول حفظه الله وطاعتهم في المعروف فرض وقد جاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا سرا للسلطان كثيرا قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد وهو من هو إمام أهل السنة والجماعة بحق وجماعة من أهل العلم لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان ومن خلع بيعة السلطان أو بيعة ولي الأمر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وقد قال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العزة والكرامة والشرافة والشرف لا يطيع أحدا وأن كل واحد منهم مطيع لنفسه غير ذال في الطاعة لغيره فات الإسلام بخلاف ذلك Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le fait d'obéir au gouverneur, c'est une obligation. Le fait d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah est une obligation. Il nous a été rapporté par un certain nombre de nos plusieurs d'Allah Alim qu'il faisait des dua en secret pour les gouverneurs. Fulallah ibn Ayyad, l'imam Ahmed, et qui c'est l'imam Ahmed? L'imam des gens de la Sunna, et ceux qui sont unanimes sur la Sunna par excellence. Et donc, il y a un autre grand nombre d'hommes de science parmi les plusieurs d'Allah Alim. Et si je savais que j'avais un dua qui va être exaucé min Allah Azza wa Jal, je l'aurais fait pour le gouverneur. Je l'aurais fait, je l'aurais réservé au gouverneur. Parce que si le gouverneur, eh bien, ça va jaillir sur. Ah. Et celui qui enlève le collier d'obéissance à son gouverneur, c'est qui aussi? Il a enlevé le collier de la soumission à Allah Azza wa Jal, à l'islam. Hein? Et il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt, il n'a pas d'allégeance à un gouverneur, il meurt comme quelqu'un dans la jahiliya. Pourquoi la jahiliya ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a donné en exemple? Parce que à la période pré-islamique, les gens ils croyaient que l'honneur et la fierté était dans le fait de n'obéir à personne. Hein? Était dans le fait de n'obéir à personne. Et l'islam, il est arrivé, il a rapporté le contraire de tout ça. Qu'il faut obéir à Allah, qu'il faut obéir à son messager, il faut obéir aux hommes de science et aux gouvernants, dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance à son messager, alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ كما بين ذلك إمام هذه الدعوة في كتابه مسائل الجاهلية في المسألة الثالثة قال إن من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أن يطاع ولاة الأمر قال رحمه الله فغلظ في ذلك وأبدى وأعاد وهذا ظاهر إذا تأملت النصوص في الكتاب والسنة Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, comme l'a montré l'imam de cette da'wa, binit min Allah Azza wa Jal, cette da'wa qui est la da'wa du livre d'Allah, de l'authentique de la sunna du prophète, qu'a accompli Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh. Il a montré dans son livre, dans ce fascicule, le sujet d'Yal Jahiliya. La troisième mes'ala dedans, le troisième sujet dedans, c'est qu'il dit, parmi les sujets dans lesquels Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était en divergence avec les gens d'Yal Jahiliya, c'est qu'on obéisse au gouverneur. Et il a dit, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire Mohamed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh, et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été sévère, a été ferme là-dessus. Et ceci est apparent quand tu médites les textes dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète vis-à-vis des droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés aux gouverneurs et aux hommes de science. Il faut se dire une chose, frère en Allah azza wa jalla. Nous avons les gouverneurs qu'on mérite. Kama takunu yuwalla alaykum. Ceci est une sagesse. C'est les anciens. Kama takunu yuwalla alaykum. Ta'ba hikmatullah azza wa jalla. An tuwalliya فاجرا على الأبرار. هذا مستحيل. إن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها محكمة وهي الحكمة بعينها. فكما هم ولاة أمورنا يقول أهل العلم هم صورة أعمالكم. عمالكم صورة أعمالكم. فإن الله عز وجل في سوغوند غاليفيدونس. Il y a une sagesse chez les anciens qui disait « Comme vous êtes, seront vos gouverneurs. » La perfection, Allah subhanahu wa ta'ala fait tout à la perfection. Et la perfection d'Allah azza wa jal refuse le fait que sur des pervers, il y a un homme de bien. Ou sur des gens du bien, qu'il y a un pervers qui le gouverne. C'est impossible. C'est pour ça que les hommes de science disent « Vos actes, vos gouverneurs, ce sont vos actes. » Tu veux voir les actes d'une communauté à quoi ils ressemblent, regarde leur gouverneur, tu sais. C'est un repère. Nos actes sont personnifiés dans l'image de nos gouverneurs. C'est-à-dire que si tes gouverneurs, tu vois qu'ils sont mal, c'est parce que le mal vient de nous. C'est nous la cause. C'est parce que c'est nous qui ne sommes pas soumis à Allah. C'est nous qui ne nous accomplissons pas ce que veut de nous Allah, Azza wa Jal. Parce que c'est facile de dire le gouverneur tout le temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? وَرْبُنَا يَقُولُ لَا يُغَيِّرُ اللَّهُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Et il est dit dans le verset Allah, ne change rien pour un peuple, tant que ce peuple ne change pas lui-même. Là, on veut que les autres changent. Et toujours les autres. Lui, non, il n'est pas concerné. Nous, on n'est pas concerné. Il est dit dans le verset, nous avons compris le verset à l'envers. Allah ne change rien pour un peuple tant qu'il ne change pas les autres. Là, c'est pas comme ça. Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. C'est-à-dire que le changement, il vient de moi, de toi, et ainsi de suite. Pas attendre que les autres changent. Tu les entends. Et les autres, tu as vu ce qu'ils font les autres. Yahi, c'est tu es responsable de toi-même. Et dis-toi bien une chose. En dénigrant un gouverneur, c'est toi qui es dedans. Et dis-toi bien une chose, qu'il ne te sera pas posé de questions sur les gouverneurs. Quand tu arriveras à ta petite résurrection, quand l'ange de la mort viendra prendre ton âme, et quand on t'opposera dans ta tombe, dis-toi bien qu'Onakir ou Amonkar ne vont pas te dire qu'est-ce que tu dis sur tel gouverneur ou sur tel gouverneur. Pourquoi tu n'as pas pris position pour ce gouverneur ou là contre ce gouverneur? Loin de là. مَا رَبُّكْ مَا دِينُكْ مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ. La question qu'ils vont te poser, c'est simple. T'adorais quoi? C'était quoi ta divinité? C'était quoi l'islam? Et c'était quoi? Qu'est-ce que tu dis dans l'homme qui vous a été envoyé? Ça, c'est les trois. C'est à ça qu'il faut réfléchir à l'islam. Ça, quand tu seras tout seul, tu quitteras ce monde, la femme, les enfants, tout est bien, plus rien ne sert pour toi. Tu as tout délaissé derrière toi. Et tu es en face, toi et tes actes. Et Nakir ou Amonkar, ils te poseront ces trois questions. À partir de ces trois questions, tu vas voir ou un gouffre de l'enfer ou une parcelle du paradis, selon ce que tu as fait comme œuvre et comme bonne œuvre, etc. Hein? Il faut réfléchir plus loin. Donc, qu'est-ce que... Si maintenant l'ange de la mort, il ne vient avec ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première des choses que nous devons accomplir dans notre vie et s'acharner à apprendre, c'est ces trois principes fondamentaux. Qu'il devient une réalité dans notre vie. Qu'on connaisse Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et qu'on applique l'islam comme il se doit. Qu'on applique aussi Mohammed alayhi salatu wasalam comme il se doit. Pour accomplir ces trois fondements, pour pouvoir répondre une fois qu'on est dans notre tombe. Et qu'on ne se fasse pas avoir par ces discours politiciens. Et par ces démagogues. Qui changent de langage à chaque coin de rue. Selon l'assistance qu'ils ont en face d'eux, ils changent de langage. Hein? La ya khal islam. Revenons à la réalité. Prenons conscience de la situation. Le but c'est quoi? L'agrément d'Allah. Ben, l'agrément d'Allah passe par le fait de parfaire les trois principes fondamentaux. Et que ce soit une réalité dans notre vie. C'est sur ça que nous devons faire des efforts. Et que nous, sur quoi nous devons éduquer nos femmes, nos enfants. Et c'est de là où viendra le changement. Et pas de la haine, ni du fait de prendre les armes contre un gouverneur, etc. Et de se rebeller contre un gouverneur. De là, il n'y a que le mal qui vient. Il n'y a que le feu, le sang. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وَلَّاتُ الْأَمْرِ حَقُّهُمْ أَنْ تَسْعَى فِي نَصِيحَتِهِمْ لَأَنَّ نَصِيحَتَهُمْ وَاجِبَةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فأئمة المسلمين من ولاة الأمور لهم حق في أن ينصحوا وولاة الأمور لهم حق في أن ينصحوا والنصيحة أخي الإسلام لا تكون على المنابر ولا تكون عبر الجرائد ولا تكون عبر الانترنت هذه فضيحة وليست بنصيحة. Les gouverneurs, frères en Allah, Azza wa Jal, leur devoir, notre devoir vis-à-vis d'eux, c'est de les conseiller. Si on est digne d'accomplir le conseil, si on est non capable, il est obligatoire pour nous de les conseiller. Parce qu'on a sous cela, on a dit la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. On lui a dit à qui, à Rasulallah? Il a dit le conseil pour Allah, pour son messager, pour le livre d'Allah et pour les imams des musulmans, pour les gouverneurs et pour le commun des musulmans. Donc, les gouverneurs des musulmans, notre devoir vis-à-vis eux, c'est de les conseiller. C'est un devoir. Si on peut le faire, on le fait. Mais le conseil, frère en Allah, Azza wa Jal, c'est pas le fait de monter sur un minbar et de les insulter et de dire, divulguer des perversités, ces perversités il y a. Hein? Ou de raconter. Si tu parles de l'adultère de certains, etc., tu as été témoin alors. Comment tu le sais? Il l'a fait devant toi et dit, oula, hein? Oula, c'est toi qui lui a ramené la personne. Comment tu peux le savoir? Hein? L'un des deux. Si tu parles de quelque chose, hein, qu'il a pillé les trésors de l'État, donc, tu es témoin. Comment tu peux prétendre quelque chose? Tu n'as pas de preuve parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demandera des preuves. Et si tu es devant un juge et tu prétends quelque chose contre quelqu'un, tu dois ramener des preuves. Sinon, la situation se retourne contre toi. Dans ce bas monde avant le delà. Et donc, le fait de conseiller les gouverneurs, c'est pas le fait de se monter sur un minbar et de commencer à débiter n'importe quoi sur eux. Et de les dénigrer. Dans leur honneur, dans leur famille. Là, il y a ne pas non plus de prendre une room dans un paltok, etc., à commencer à les insulter et à parler mal sur eux, sur leur famille, etc. C'est pas comme ça, Khalislam. C'est pas non plus le journaux et les magazines. Loin de là, c'est pas ça le conseil. Là, c'est le veha. Là, c'est le fait de divulguer et propager, hein, du mal sur eux. Et quand on arrive à ce stade-là, il est évident qu'ils ne peuvent pas comprendre le conseil. Dis-toi bien, toi, en tant que personne, si on parle de mal de toi, et on l'écrit dans les journaux, etc., tu vas accepter le conseil ou là, tu vas te rebeller contre la personne? Même si la personne veut revenir, une fois que tu as agi ainsi, peut-être que le fait d'avoir agi ainsi, tu t'es constitué comme blocage pour le son retour. Alors que ce qui est demandé vis-à-vis de nos gouverneurs, c'est de les conseiller en privé, pour ceux qui en peuvent, qui peuvent et qui sont dignes de le faire. Et il y a des gens qui le fassent, qui le font. Et sois tranquille. Il y a des gens qui le font et qui remplissent leurs devoirs dans cette communauté. Hein? Mais ils ne le déclarent pas en public. Ils le font pour Allah. Et quand ils le font, ils le gardent en secret pour que ça ramène son fruit. Ils ne le divulguent pas. وَوَلَّاتُ الْأُمُورِ إِذَا أُطْلِقَتْ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهَا وَلِيُّ الْأَمْرِ الْعَامِ إمام المسلمين الملك السلطان الوالي ويعني بها من كان له ولاية من نواب السلطان لأن كل واحد له ولاية بحسبه فولي الأمر يجب عليك أن تعامله بالطريقة الشرعية أن تعامله مخرج الهوى من نفسك في نوع التعامل معه فإذا عملته بهواك كنت غير سائل في التعامل معه على ما أوجب الله عز وجل عليك فإذا عملته على ما يوافق الشرع عاملته بما أوجب الله جل وعلا عليك فكنت في التعامل معه في عبادة ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنهي الله عز وجل Le gouverneur, frère en Allah, Azzawajal, quand ce terme est donné, il est désigné avec qui? Le roi, le président, les préfets, ceux qui ont un pouvoir. Tout un chacun qui a un pouvoir, qui dépend d'un gouverneur, c'est à lui l'obéissance. Le préfet de Tawilaya dans le pays de l'islam, hein, ses subordonnés, etc. Tout ça font partie. Et le gouverneur général, c'est le roi ou le président. Et donc, vis-à-vis des gouverneurs, ça doit être notre façon de faire et notre comportement doit être un comportement légiféré, un comportement dont la source est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed a.s. et la voix de nos puiseurs d'Allah a.s. Il ne nous est pas permis d'agir avec eux selon nos passions, selon nos désirs, selon ce que nous voulons, nous. La yakhal islam. Si tu agis ainsi, c'est que tu veux faire triompher tes passions. Donc, dans le comportement avec les gouverneurs, on doit être soumis à Allah, Azza wa Jal. En agissant avec eux, et en ayant un comportement digne de la législation d'Allah, digne du livre d'Allah, digne de la sunna des prophètes islam, et digne de la voix de nos plusieurs d'Allah alayhim. Ainsi, nous allons être dans une adoration. Ainsi, nous allons mettre en application ce qu'Allah nous a ordonné. Et on va s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. كذلك من أنواع التعامل مع ولاة الأمر أن يسعى المرء في النصيحة في نصيحة ولاة الأمر ومن المتقرر عند علمائنا مما دلت عليه النصوص أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا لأن النصيحة له في أمر مما يدخل تحت ولايته هدي السلف فيها أن يكون سرا فقد جاء في صحيح البخاري أن جماعة قالوا لأسامة بن زيد لما حصل من عثمان رضي الله عنه ما حصل من بعض ما لم يفهم من أنواع تصرفات عثمان رضي الله عنه قيل لأسامة رضي الله عنه ألا تنصح لعثمان فقال ألا إني قد بذلت له سرا ولن أبدله له علانية لن أكون أول فاتح باب شر بينكم وهذا ظاهر من أن الأصل في النصيحة يكون سرا fait partie du genre de comportement à avoir avec le gouverneur c'est que pour le conseil on le fait selon la législation et ce qui est confirmé chez les hommes de science dignes de la voix de leur plusieurs d'Allah alayhim et la voix qu'ils ont prise c'est elle qui correspond à et qui va de pair avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam et les actes des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam c'est que le conseil au gouverneur se fait en secret entre la personne et le gouverneur. Il a été rapporté, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari certaines personnes sont allées voir Oussama ibn Zayd radiallahu anhu arda, quand il y a eu certains actes que certains n'ont pas compris parmi les actes de Uthman radiallahu alayhim jami'an. Ils lui ont dit, est-ce que tu ne conseilles pas Uthman? Il leur a dit, moi j'ai conseillé Uthman en secret entre moi et lui. Je n'ai pas voulu dire, je ne vais pas le faire en public. Je ne vais pas ouvrir une porte de mal. Je ne vais pas être le premier à ouvrir une porte du mal. Hein? Cela, cette parole de Oussama te prouve quoi? Comme quoi le conseil doit se faire. La base, hein? Et l'authenticité de la voix du conseil au gouverneur, qui soit de faire en secret. Hein? Maintenant, quand il y a un blâme, quand il y a des choses qui se font mal quelque part, et que tu es sur un manbar, tu parles du mal en tant que mal, mais tu ne parles pas des responsables. Tu parles du mal, tu attires l'attention que ceci, c'est un acte du mal, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Même si ça concerne le riba, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, l'adultère, la vente du vin, etc. Tu parles comme ça. Ça, c'est blâmer le mal et parler et orienter et faire comprendre aux gens. Ça, c'est le mal. Mais quand il s'agit du conseil, mais tu ne cites pas le gouverneur sur le manbar. Tu ne cites pas les responsables d'une région sur le manbar. Ni. Mais quand il s'agit du conseil, il faut que tu suives la voie de tes plusieurs. D'Allah alim dans ça. Il faut que ce soit. Si tu es capable, tu es de ceux qui sont dignes du conseil et qui peuvent amener le conseil et le faire comme il se doit, vas-y. Si tu ne l'es pas, Allah ne t'impose pas ce que tu ne peux pas faire. Hein? Allah ne t'impose pas ce que tu ne peux pas faire. Accomplis ton devoir vis-à-vis de toi-même. Remédie à tes lacunes. Authentifie tes adorations, tes croyances, tes adorations. Éduque ceux qui sont sous ta tutelle. Subhanallah. Chacun parmi nous, il a un royaume, il a une république. Et il n'accomplit pas les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son royaume ou dans sa république. Son royaume ou sa république qui est l'homme, la femme et les enfants. Peut-être 5 personnes. Il n'arrive pas à s'acquitter des droits d'Allah, azzawajal. Il veut que les gouverneurs qui ont 30 millions, 40 millions, s'acquittent des droits d'Allah et les dénigrent. Et lui, si on lui dit, tu fais mal, tu agis mal dans ton royaume, il ne l'accepte pas. Il ne remplit pas son devoir vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa femme et de ses enfants qui sont son royaume. Tu es leur gouverneur, tu es leur responsable. Et subhanallah, il veut aux autres qui ont une responsabilité beaucoup plus énorme, il les dénigre. Et il voit leurs défauts, il ne voit pas lui les siens. Il passe, et comme ça, son temps, il passe tout simplement à dénigrer et à parler en mal et à cueillir quoi? Le résultat, ça va être quoi? Hein? Le carnet se remplit de sayyi'at. Hein? Et quand il va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, la situation sera énorme. Face à Allah, l'Azim, Rabbul Arsh l'Azim, j'en ai eu aïakoum l'adine estami'ouna l'qawla wa yattabi'ouna ahsana. Subhanak Allahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا